petit papa n'est pas là. Et oui, petit papa n'est pas là. Et oui, petit papa n'est pas là. Et oui, papa n'est pas là. Je te filerai des cadeaux si tu me piques 500 balles. Et même si t'es sage, t'auras une baffe pour Noël. Mets tes coudes sur la table ou je te fous un coup de latte. Je suis ton père, obéis-moi. Ramène-moi des sales notes, casse la gueule aux gonzesses. Casse la gueule à tes potes, y'en a un qui crève, tu laisses. Bois de la bière, fume des joints, 160 en caisse. Je suis ton père, fais comme mon papa. Une hostie, à l'ortie, chante dans un tuyau. Elle sourit, puis rougit, c'est très rigolo. Oh, oh, oh, oh. Une hostie, à l'ortie, chante dans un tuyau. Rigolo. Bobo, bobo. Bobo, bobo. Bobo, bobo. C'est comme ça que c'est qu'on m'a appris, moi.